Alors eux, ils n'ont pas de problème pour leur espace numérique de travail. Les milliardaires du classement du magazine américain Forbes, figurez-vous qu'il y a quatre Français qui y font leur apparition ce matin. Qui sont-ils ? 23e position, il s'appelle Stéphane Bancel. Il est à la tête de Moderna Therapeutics, je crois que tout le monde connaît. Vous avez 34e, Olivier Pomel, qui a cofondé Datadog. C'est la spécialiste de la surveillance des réseaux et des données informatiques. Ensuite, 35e position, c'est François Feuillet, le patron de Trigano, qui est leader en Europe des équipements et des véhicules de loisirs. Et en 36e position, c'est Yves-Loïc Martin qui a fondé en 1987 Eurofin Scientifique, le leader mondial de l'analyse des produits pharmaceutiques, agroalimentaires ou encore biomédicaux. Leur petite entreprise ne connaît pas la crise. Eh ben non, c'est pour ça qu'ils sont là. Ils sont tous les quatre dans des secteurs d'activité qui ont été portés par l'année 2020. Évidemment, Moderna, premier vaccin anti-Covid, j'en dis pas plus. Vous prenez Datadog, les solutions informatiques Datadog ont été ultra sollicitées avec le télétravail. Donc l'entreprise a connu une année extraordinaire. Trigano, plein de gens ont acheté des piscines pour le jardin, des abris de jardin, ont acheté des équipements finalement de loisirs pour la maison parce qu'ils pouvaient pas voyager. Et vous prenez Eurofin, le business de l'analyse pharmaceutique, évidemment. Et les quatre personnes que j'ai citées ont quatre points communs. Ils détiennent beaucoup d'actions de leur entreprise. Et puis il y a un autre point commun, cette fois entre tous les milliardaires de ce classement, c'est qu'il n'y en a pas un qui a perdu un centime l'an dernier. Comment ça se fait? Et parce que les marchés sont au sommet, on en parlait hier, et tout ça est lié au fait de détenir des actions et des actions de son entreprise. Donc si effectivement la fortune de tous ces gens a grossi, c'est parce que les marchés actions ont monté. C'est pas des milliards en cash sur un compte en banque, hein. On parle bien effectivement de participation, de portefeuille foncier, et donc c'est la bonne santé de la bourse tout simplement. Parce que si Moderna avait connu les déboires de Sanofi dans la course au vaccin, je peux vous assurer que Stéphane Bancel, vous ne le connaîtriez pas, et il n'aurait jamais intégré le classement de Forbes. Au contraire, il s'en serait totalement éloigné. Après, il y a un dernier truc, et je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant qui m'a frappé dans ce classement, c'est que les quatre nouveaux entrants, ce sont quatre ingénieurs. Quatre ingénieurs qui ont tous été formés à l'école centrale.